C'est intéressant, la conférence est déjà commencée dans ma tête. C'est plate de me perdre du bout. Comme il a été répété souvent dans le passé, les temps qui viennent sont des temps de changement. La destruction de la couche d'ozone permet à plus d'énergie supramentale de traverser et de pénétrer jusqu'au sol. La radiation ou l'air nucléaire peut permettre, dans certaines conditions militaires, politiques ou scientifiques ou médicales, de créer les mutations du code ADNique pour obliger la cellularisation plus facile du contact supramental. La majorité des prophètes sont des prophètes, des faux prophètes porteurs de bonheur, qui ont comme seule fonction d'obliger l'humain à fuir la prophétie de façon à ce que certaines choses ne se fassent pas. Cela veut prouver une chose, c'est que le mensonge ne peut être pesé que selon son manque de possibilité d'altérer les conditions déjà présentes. Un mensonge, un véritable mensonge, serait une parole qui aurait été dite et qui n'aurait rien donné, qui n'aurait rien altéré dans l'événement. Sinon, un mensonge est nécessairement... Camerio? Et ce que je dis est extrêmement important. C'est très, très important qu'on le comprenne parce que cela peut permettre à l'humain d'arriver à cerner un peu plus la trame cosmique qui oblige l'évolution de l'humanité, qui oblige nécessairement l'évolution de tous ceux qui vont vous entourer et qui vous entourent, et ce qui nécessairement oblige votre évolution. Quand un conférencier, quand un prophète, quand une personne est-elle fausse du point de vue de son action? On peut aller écouter des conférenciers, on regarde des prêcheurs à la télévision, les télévangélistes, on regarde plusieurs phénomènes, et on peut parler de mensonges, d'idiotie, de stupidité. Alors qu'en réalité, on devrait vénérer ces personnages, qui, comme toujours, ne savent pas ce qu'ils font, mais le font merveilleusement bien. Lorsqu'une parole crée un événement, nécessairement, elle n'était pas un mensonge, mais un outil cosmique. Si vous dites à quelqu'un que vous êtes la réincarnation de Napoléon et que ça crée un remous, ce que vous venez de dire était, du point de vue de l'événement cosmique, une vérité. Et l'événement était une réalité. Chaque chose a sa fonction. Lorsque l'on préfère observer la chose plutôt que son utilité, son intentionnalité, sa fonction, on est soi-même faux, ce qui nécessairement nous oblige à voir la chose comme étant fausse. Toute l'évolution de l'homme est basée sur le mouvement. Toute l'évolution des humanités est basée sur le mouvement, c'est-à-dire sur l'événement, c'est-à-dire sur la perturbation événementielle, donc sur l'initiation, et non sur le véhicule créant le mouvement. Toute l'évolution de l'humanité est basée sur le changement, et non pas sur ce qui cause le changement, mais sur le changement. La pluie fait partie des causes obligeant le changement chez l'homme. Les volcans, les tremblements de terre, la climatisation, le froid, le chaud, obligent l'humain à accepter des conditions de vie qui vont l'amener à construire des maisons, à cultiver, à chasser, à fuir, à reconstruire des civilisations, des sociétés, à se préserver de la pluie, à ne pas sortir une journée à cause qu'il y a trop d'orages. À un moment donné, les Chinois veulent envahir le Japon. Et un vent divin, appelé kamikaze en japonais, un ouragan, vient détruire la flotte chinoise. C'est la preuve de ce que je vous dis. L'eau fait partie de ce qui change. Mais l'évolution de l'homme sera non pas l'eau, mais le changement opéré par l'eau. Lorsqu'un être humain ouvre la bouche et dit quoi que ce soit, ce qu'il dit fait partie de la cause. Ce ne doit pas être retenu en tant qu'importance. L'effet que cela va donner est le changement. Et si on veut étudier les phénomènes ou la phénoménologie de l'évolution de l'humanité, on ne doit pas étudier les causes, mais on doit étudier les remous dans l'événement. Autrement dit, l'initiation est plus importante que l'initiateur. Lorsque l'homme préfère vénérer l'initiateur plutôt que de vénérer l'événement initiatique, son propre changement, c'est là qu'il entre dans ce qu'on appelle les forces d'involution, les forces de stagnation, les forces retardataires, les forces d'épouvante, les forces du mal, les forces noires. Une fleur fait partie de la cause. Un orignal fait partie de la cause. Un obus fait partie de la cause. Et chaque être humain fait partie de la cause. Mais en même temps, chaque chose qui fait partie de la cause fait partie du mouvement. Et ce mouvement dans la cause permet d'engendrer d'autres causes qui engendreront d'autres mouvements. C'est ce que nous pouvons appeler évolution. Que l'énergie supramentale descende à l'intérieur d'un être humain, chasse son ego, prenne sa place, cela engendre des causes. Le changement évolutif mutatoire se vit par l'ego et par l'esprit dans celui qui a été christifié, supramentalisé, plugué. Et lui devient une cause événementielle qui perturbe les psychologies, qui perturbe la matière. Parce qu'il impose son espace et son temps à la matière, il perturbe le plan vital, le plan éthérique planétaire, il perturbe le plan astral, le plan des mémoires d'ascension, il perturbe le plan mental, le plan de la légifération du passé, il perturbe le plan supramental, l'éthérique extraplanétaire. Et parce que l'homme un jour se voue et vénère la cause, il en perd nécessairement l'utilité de la cause. Le marteau n'a d'utilité pour l'homme que s'il y a des clous à planter. Il ne peut avoir d'importance ou d'utilité s'il n'y a pas de clous à planter. De ce fait, toute cause a la valeur de l'importance de la perturbation qu'elle engendre, qu'elle soit bénigne en qualité ou en quantité, ou qu'elle soit énorme, ça n'a rien, foutrement rien à voir. Sa valeur dépend du mouvement dans l'événement qu'elle va engendrer. Autrement dit, si on veut instruire un peu son ego, on peut comprendre que chaque personne sur la planète Terre, aussi petit soit-il, a toujours l'importance de la perturbation qu'il engendre, et non pas l'importance de sa valeur psychologique, ou l'importance de la valeur collective, accréditative de la psychologie des autres. Celui qui, par sa seule présence, empêche des choses, est une cause événementiellement importante, utile. Celui qui, par sa seule action, fait ou empêche. Parce qu'il faut bien comprendre que toute force négative est en réalité une force positive qui se déplace dans une direction divergente ou opposée à la direction du déplacement de l'observateur. Lorsque la planète Terre tourne, elle tourne à, disons, 100 km à l'heure. Parce que l'air à la surface de la planète Terre n'a pas la densité de la matière, l'air n'arrive pas à suivre, donc l'air tourne à 50 km à l'heure. Ce qui fait que pour une personne matière placée sur la planète Terre, il verra le vent reculer à moins 50 km à l'heure. Parce qu'en réalité, lui avance 50 km à l'heure plus vite que l'air. Mais le déplacement de l'air reste un déplacement positif qui, par rapport à l'observateur, sera un déplacement négatif. Toute chose négative est une chose positive qui qui ne va pas dans le sens du déplacement de l'observateur. Satan évolue d'une façon positive, étant donné qu'il va dans une direction plus ou moins opposée à la majorité des observateurs, ceux-ci prétendront que Satan évolue, alors que Satan peut prétendre la même chose des autres. Quelle que soit la grandeur d'une parole, quelle que soit la grandeur d'une pensée, quelle que soit la grandeur d'un gestuel, quelle que soit la grandeur d'un être humain sur la planète Terre, il vaut autant qu'un papillon. Et valant autant qu'un papillon, le papillon, c'est comme une roche. Je l'ai déjà dit, je le répète. À cause d'une roche, un clou a été perdu. À cause d'un clou, un fer a été perdu. À cause d'un fer, un cheval a été perdu. À cause d'un cheval, un cavalier a été perdu. À cause d'un cavalier, la guerre a été perdue. Quelle était la cause fondamentale de la perte de la guerre? Une roche, une petite pierre placée dans le champ de bataille. C'est ce que, premièrement, on appelle l'écologie, où chaque chose, non pas supportée par la valeur psychologique de l'humain, où chaque chose a la même importance. Et d'entrevoir l'évolution de l'humanité en essayant de privilégier des causes ou des effets de causes, c'est essayer de vouloir absolument paramétrer l'évolution dans une structure cristallisée, morte, qui n'a aucun lien à voir avec la réalité. L'humain peut prendre 15 ans de sa vie pour obtenir un iota d'évolution. Et un jour, il prendra un iota de son temps pour obtenir des tonnes d'évolution. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement par l'effort ou par la grandiosité de la cause que l'événement, que le résultat, sera grand. Et ce n'est pas non plus parce qu'apparemment le public ou vous-même ne voyez pas la grandeur du résultat que ce résultat est nul. Il y a différentes forces qui marchent positivement dans des directions opposées ou différentes de celles de l'homme. Et l'être humain, pour pouvoir considérer sa propre évolution, doit nécessairement considérer toutes les énergies de sa propre constitution qui poussent dans d'autres directions. Nous sommes tous formés d'une partie luciférienne, d'une partie satanique, d'une partie arimanienne, d'une partie mammonienne. Nous sommes formés d'une partie anti-nous, anti-homme. Nous sommes formés d'une partie géavique, d'une partie yavique, d'une partie michélienne. Nous sommes formés d'une partie divine, d'une partie intelligente ou supramentale. Dans la partie astrale, la mémoire de l'événement, nous sommes formés de toutes nos lignées familiales. Tous nos ancêtres vivent par nous. Tout. Et lorsque l'humain veut essayer d'enligner un phénomène causal d'évolution, à partir de sa compréhension mentale, qui va être le logiférateur du passé, l'orchestrateur logique, essayant de créer l'illusion de l'intelligence, à partir de l'information du passé, nous marchons à côté de la traque. Nous devons envisager l'évolution d'une façon beaucoup plus grande que ce que l'humain a fait jusqu'à date. Premièrement, l'évolution de l'homme doit être considérée Il y a des choses qui sont extrêmement importantes. C'est que le faisceau de lumière commence par être divisé dans la masse avant de pouvoir être focalisé dans une élite, avant de pouvoir être focalisé dans un individu. Du point de vue de l'évolution, l'humain est premièrement une humanité. Il ne peut en être autrement. On pourrait repenser cette idéologie humanitaire de l'évolution, mais on ferait de la philosophie et on perdrait notre temps, étant donné que les causes ont, depuis des milliards d'années, été orchestrées pour faire en sorte que l'énergie divine, que l'intelligence, que l'énergie créationnelle soit divisée dans l'homme. Ce qui engendre des humanités et ce qui engendre après, par focalisation, des peuples. Et ce qui engendre après, par focalisation, des groupements élitiques. Et ce qui engendre, par finalisation de focalisation, la fusion entre un individu et l'intelligence. Ce que l'homme doit comprendre, et l'homme a longtemps appliqué cette perception sans jamais l'avoir comprise, c'est que l'évolution se fait individuellement et elle se fait bien à la condition que l'énergie passe au travers de la masse. L'évolution individuelle se fait à l'exclusive condition que nous soyons placés sous le bouclier de la masse. Autrement dit, on ne peut envisager une évolution individuelle si on n'envisage pas l'évolution d'une humanité par la suite d'un peuple et par la suite de l'élite et par la suite de soi. C'est l'individualité des avatars. C'est l'individualité des maîtres, les vrais, ceux qu'on ne connaît pas. C'est l'individualité de ceux qui se fusionnent. Celui qui ne travaille que pour lui et qui, de toute façon, engendre les remous événementiels dans les masses. Si le peuple, si l'humanité, si un grand nombre d'individus causal par rapport à l'événement que nous vivons n'ont pas été coordonnés, enlignés, l'énergie qui doit nous atteindre ne nous atteindra pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi les grands avatars ont tous été obligés d'enligner l'évolution de sa propre masse pour parvenir à ce contact fusionnel avec sa propre intelligence. Que ce soit Gautama, que ce soit Rama, que ce soit Odin, que ce soit le Nazaréen, que ce soit Mahomet, que ce soit Moroni, qui qu'il fût, il a été contraint à enligner son bouclier, le peuple, son peuple. Et à cette époque, on instaurait les religions en fonction de l'évolution fusionnelle d'un individu. Les gens étant enlignés par la loi de Dieu, transmis par la parole de celui qui recherchait la fusion, gagnait de plusieurs degrés dans l'évolution, tout en permettant à leur insu la finalisation d'un processus évolutif plus individuel. L'homme qui fuit l'humain n'est pas un être ascendant. L'homme qui fuit sa responsabilité envers les autres n'est pas un être évoluant. Il ne peut même pas prétendre être un être stagnant. Il fait partie des contingences d'involution qui tentent de retirer de l'énergie à l'humain. Tout être évolutif, mécaniquement, est assujetti à l'écosystème dans lequel il est cosmiquement placé. Il n'y a pas de petit homme, il n'y a pas de petite femme, il n'y a pas de petites gens. On le conçoit philosophiquement, mais on n'est pas encore parvenu sur cette planète à le concevoir énergétiquement. Celui qui plante la graine nourrit le roi. Et on va dire, on va mesurer l'importance d'un humain à sa rareté. On ne doit pas faire ça. Étant donné que celui qui plante la graine peut être facilement remplaçable, on se crisse de lui. Et on va dire, c'est une petite gens. On peut l'écraser comme ça. Pourquoi pouvons-nous l'écraser comme ça? Pas parce que nous sommes puissants, parce que nous pouvons le remplacer. Parce que si nous ne pouvons pas le remplacer, nous ne pouvons pas l'écraser comme ça. Parce que nous devrons le remplacer et aller planter les graines, même si nous sommes le roi. L'importance d'un être humain ne doit pas se mesurer à sa rareté. Les forces d'évolution s'arrangent et s'enlignent pour que l'humain s'autocritique et s'auto-juge à tout bout de champ, à partir du phénomène de la rareté, ce qui psychologiquement est traduit dans le sens l'as, le meilleur, l'exceptionnel, et lui, on l'honore. Si tous sur la planète pourraient parler comme moi, je serais le dernier avec les autres dans cette société. Et parce qu'apparemment j'ai une parole élitique, se basant sur la rareté, on me donne une autorité et un pouvoir que j'ai et que les autres ont, mais que les autres ne peuvent se laisser exploiter ou développer parce qu'ils se considèrent comme étant normal. Le roi, le Nazaréen, Siddhartha Gautama et un paquet d'autres ont pu être ce qu'ils ont été parce que les autres ont accepté d'être ce qu'ils ont été. On ne peut concevoir l'évolution individuelle de sa propre conscience, de sa propre fusion, de sa propre présence, qu'en considérant l'évolution des autres, la fusion des autres et la présence des autres. Tout phénomène matériel impose son temps et son espace au reste de la création. Un électron, un grain de blé, un samar, un arbre. Chaque petite chose, de par sa présence, empêche toute autre chose d'être là en même temps. Un grain de poussière oblige, comme la roche, un changement magistral au bout du compte. L'évolution supramentale ne peut se faire à l'intérieur du main qui se sectarise et se différencie du reste de la société comme étant quelque chose d'autre et se refusant par le fait même de faire sa part sociale en s'arrangeant pour créer de l'événement permettant l'amélioration de la condition propre de celui qui évolue. Et cela ne peut se faire que si on améliore la condition de l'homme en général, sans se demander s'il évolue. chaque humain doit régulièrement s'arranger pour donner quelque chose à ceux qui, pour vous permettre une évolution, mangent de la marde. Il y a un peuple derrière celui qui évolue. Et ce peuple fait partie de tout ce qui canalise l'involution, l'anti-homme planétaire, les forces sataniques, lucifériennes, belzébuthiennes, arimaniennes, etc. Ce que je veux dire, c'est que pour qu'un homme, une femme ou un enfant ait un contact supramental, plus de 10 000 humains devront payer le prix. Je ne dis pas ça pour culpabiliser. J'ai souvent parlé en séminaire et quelquefois en conférence que lorsque le Québec serait debout, certaines autres villes sur la planète disparaîtraient. Parce que ces villes ne sont là que pour temporairement retenir les forces du mal de façon à libérer le bien, c'est-à-dire l'écologie, l'intelligence. Et lorsque ceux qui ouvrent le chemin leur ont ouvert, ceux qui auront souffert pourront être libérés. S'ils sont morts, ils se réincarneront dans les corps de ceux qui passent. S'ils sont vivants, ils suivront, récupérant ceux qui se réincarneront. Mais on ne peut pas prétendre à une évolution rapide si on ne veut pas déjà se garantir l'aide de chaque parcelle d'intelligence sur la planète. Il y a dans chaque homme, chaque femme, chaque enfant, quelle que soit sa race ésotérique, quelle que soit sa génétique, cette intelligence, elle est obscurcie pour laisser plus de place dans cette génétique à l'astral, à l'énergie évoluante. Non pas pour que ceux qui ont plus d'intelligence libérée se sentent supérieurs. Non. Simplement pour occuper pendant que l'islam envoie ses enfants élémentaires sur les champs de mines pour les faire sauter de façon à ouvrir le chemin aux chars d'assaut iraniens, toute l'évolution de l'humanité se fait sur le même principe. Pendant qu'eux font cela, nous envoyons des milliers et des dizaines et des centaines et des millions d'êtres humains dans la merde, pour nous permettre d'avancer. Lorsque les Américains, lorsque les soldats américains qui ont été de force envoyés au Vietnam sont revenus, on leur a craché au plein visage. Au nom du fait que, premièrement, l'Amérique n'avait pas gagné, et au nom du fait que, deuxièmement, on ne savait plus pourquoi on entretenait cette guerre. Les vétérans du Vietnam ont mangé la marde que le peuple s'est refusé de supporter. Alors que ce serait dû être au peuple de supporter cela et pas à cette minorité. Alors lorsque nous demandons ou lorsque nous acceptons que des humains aient à aller dans des sectes, se suicident, se droguent, boivent, pour nous permettre de ne pas avoir à vivre cela. Et que pour les remercier, nous leur crachons en plein visage. Nous les jugeons. Nous les insultons. Nous devenons racistes. Parce qu'à un moment donné, quelque part sur une île dans l'océan Atlantique, un peuple au complet sert de réceptacle, exactement comme l'île de Pâques l'a fait pendant un grand laps de temps, de réceptacle pour recevoir toutes les mauvaises choses lancées sur la planète par la parole de l'homme et qui n'atteignent jamais leur objectif, alors que ce peuple sert exclusivement à ramasser toute cette merde pour que celle-ci ne s'en aille pas là où elle n'a pas à aller, pour que ceci laisse d'autres peuples en paix. Eh bien, les peuples qui sont maintenant libérés sont juste un peu plus conscients et voyant ce peuple d'arriérés dans leur tête, selon leurs propres préjugés programmés, deviennent racistes. Chaque fois que vous n'êtes pas capable d'approcher d'un humain, chaque fois que vous trouvez quelqu'un antipathique, chaque fois que vous condamnez ou jugez péjorativement comme crétin, stupide, ignorant, bloqué, un humain, chaque fois que vous faites cela, en réalité, vous auriez dû le remercier. Ce n'est pas nécessaire de le lui dire, mais de passer une partie de son temps à claquer le visage de ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de tendre l'autre joue. Chaque fois que l'on perd et l'on passe son temps à cracher au visage de ceux qui finalement nous permettent d'être ce que nous sommes, nous ne nous servons pas de toutes les parcelles d'intelligence sur la planète. Ça commence avec le vendeur, avec le porteur de journal, ça commence avec le pompiste, ça commence avec sa femme, son mari, ses enfants. Il y a une nuance majeure à faire entre faire en sorte que nous perdons notre énergie et faire en sorte que nous donnons à l'humanité et à soi de l'énergie. Pour que l'humain puisse bien fonctionner, tous les êtres humains qui évoluent, ils ont comme première condition la régence de tout ce qui n'évolue pas. Il est écologique dans le règne des évolutions humanitaires que le peuple fort s'occupe des peuples faibles. Cela a toujours été parce que l'intelligence mène l'évolution. Lorsque l'homme le comprend et le laisse vibre, le laisse libre, le laisse vibrer, il peut se servir de cette mécanicité, appelée loi cosmique. Chaque fois que nous ne sommes pas capables de rencontrer quelqu'un, c'est premièrement une preuve de manque d'ajustement, soit. C'est peut-être la preuve que nous ne sommes pas suffisamment énergisés, soit. Mais c'est aussi un problème, une lacune. Lorsqu'une personne vient et elle est têteuse en énergie, on doit couper ce contact diplomatiquement d'une façon efficace. Et on ne peut pas s'attendre à devoir donner à chaque humain sa parcelle de remerciement. J'emploie le mot remerciement pour que l'on comprenne égoïquement ce que je veux dire. C'est un échange d'énergie. Mais on n'a qu'à le donner à l'ensemble, et nécessairement, chaque partie le recevra. L'énergie supramentale descend. Depuis la création de cette galaxie, tout ce qui a été à une vitesse folle, enregistré mémoriellement, est ce que nous appelons l'énergie supramentale. Donc, dans la mémoire supramentale, il n'y a pas la mémoire planétaire. Il n'y a pas la mémoire solaire. Il n'y a pas la mémoire des autres planètes, des créations des soleils, des dissolutions du soleil, des créations des planètes, des astéroïdes, des créations des comètes, des créations de toutes ces choses. Il n'y a pas ça. Lorsque l'on se plaque à l'énergie supramentale, on ne voit pas l'apparition d'un soleil. Par contre, lorsque l'on se connecte à l'énergie supramentale, on peut découvrir une chose, c'est que l'énergie supramentale n'a pas le pouvoir de régler le problème humain. L'énergie supramentale n'a pas la fonction et elle n'a pas la puissance ou le pouvoir d'aider l'homme. L'énergie supramentale fait partie de la mémoire spatio-temporelle de la création dans laquelle se trouve un trou, un vide, une région noire où aucune entité supramentale ne peut pénétrer. Et cette région s'appelle planète et soleil. Dans la mémoire supramentale, il n'y a que la création du rien au tout et la gestation du chaos primaire jusqu'à la stagnation de l'événement chaotique que nous appelons, nous, harmonie cosmique. Et provenant du plan supramental, dans le domaine de l'homme, apparaît l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée ne peut pas régler le problème de l'homme et il ne peut pas régler le problème de l'énergie supramentale. Il ne connaît pas l'homme et il ne connaît plus le plan supramental. La mémoire de l'énergie événementielle planétaire et solaire, quel que soit le système solaire, est attachée à la matière même de chaque planète et de chaque soleil. Cela veut dire que l'énergie supramentale ayant une conscience galactique n'a pas le privilège de connaître l'homme. Elle n'a pas le privilège de connaître tout ce qui fait partie de la vibration mentalo-astralo-vitalo-physique. L'homme ne connaît pas l'énergie supramentale, sauf par le petit 5% qui l'habite. Un 5% qui peut se révéler, à la condition que l'être humain soit entouré par une société qui daigne bien vouloir manger la marde, libérant l'élite. Et lorsque l'homme accumule les facteurs d'énergie ascendant, lorsque l'homme comprend, non pas lorsque l'homme apprend. L'apprentissage est l'accumulation stratifiée de la mémoire astrale extérieure. La compréhension est la ressuscitation, la résurrection de la mémoire d'apprentissage donnée de l'extérieur. Vous pouvez apprendre une chose, vous mémorisez ce que l'autre savait. Lorsque vous le comprenez, vous venez de donner la vie à ce que vous aviez mémorisé. Et là, on dit, vous le vivez. Lorsque l'homme comprend, point sur point, et je reviens à l'idée, il n'y a pas de petit point, ouvrir un tiroir peut changer votre vie, alors que tous ceux qui auront ouvert un tiroir n'auront ouvert qu'un tiroir. Et lorsque l'homme entre en contact avec le plan supramental, il amène à l'énergie supramentale l'information planétaire. Il grandit donc l'intelligence supramentale pour en faire une intelligence hautement puissante. Et en même temps, l'homme se voit léguer toute la conscience galactique, la conscience supramentale, et l'homme devient le recteur de cette mécanicité fusionnelle. Il vivra d'une bilocation, il aura une conscience éthérique supramentale galactique. En même temps, celle-ci sera juxtaposée à une conscience planétaire humaine. Mais il ne sert à rien à l'homme d'avoir une conscience galactique s'il n'a pas su développer complètement sa conscience planétaire. C'est de demander un peu trop au cerveau de l'homme d'accepter la compréhension christifiante d'un contact supramental fusionnel, alors qu'il n'a pas encore réussi à vivre une fusion du point de vue de l'homme, de l'humain, avec la conscience planétaire. Il y a un moteur à l'évolution. Un moteur sûr. Plus l'homme travaille à améliorer la condition humaine, plus l'homme se gagne des alliés et plus l'homme vibre d'une conscience planétaire. Une conscience planétaire apparaît et est diagnosticable lorsque nous trouvons que jeter un Kleenex par la fenêtre devient un problème. Lorsque nous trouvons que ce qui se passe ailleurs dans les autres pays nous regarde. Ça ne veut pas dire que nous avons à régler les problèmes. Ça veut dire que nous percevons vibratoirement les événements planétaires. Lorsque la navette Challenger a explosé, tous ceux qui ont senti comme un remous en apprenant la nouvelle avaient une conscience au moins nord-américaine. Si aujourd'hui, vous appreniez par les journaux que le Mahatma Gandhi vient d'être assassiné et que cela vous touche, votre conscience planétaire est plus grande qu'on peut le penser. Lorsque l'on apprend qu'il y a une disette, une famine, une guerre, il y a 25 guerres présentement, aujourd'hui, actuellement en cours sur la planète. 25, le chiffre est juste. Et cela ne nous intéresse pas, on n'a pas de conscience planétaire. L'homme ne doit pas s'inquiéter de ce qui se passe. Il doit vibrer de ce qui se passe. Et lorsque l'homme développe cette conscience planétaire, le chapeau supramental est en train de descendre chez lui. Il y a plusieurs choses à faire pour la simple raison que nous sommes pluriconstitués. Nécessairement, cela veut dire que l'on doit s'occuper de son corps physique, de tous ses plans physiques, de tous ses plans vitaux, de tous ses plans astraux, devenir son seul maître, s'instruire, apprendre à développer une parole juste de façon à permettre l'expression juste de la réalité planétaire ou cosmique, planétaire ou galactique, supramentale ou humaine. Nous devons gagner de l'argent pour pouvoir se libérer de la matière. Nous devons vivre des relations. Nous devons en même temps obliger nos corps à se déplacer d'un événement à un autre pour que celui-ci mange un peu de marde, de façon à ce que la cellularisation, la mutation puisse être transmissible génétiquement. Nos corps, on doit les amener un peu partout. Ils vivent certaines expériences traumatisantes ou enrichissantes pour permettre à l'enrichissement de la génétique. L'humain, de prime abord, n'a aucune importance. C'est le corps physique qui est important. Tout ce qui habite le corps physique ne vaut rien, tant que ce qui habite le corps physique n'a pas de conscience. Il y a deux formes de conscience. Il y a une conscience, il y a une conscience mémorielle, c'est-à-dire l'illusion de la conscience. Et il y a la conscience de l'instantanéité, la conscience. Il y a 5 % de conscience instantanée chez l'homme contre 95 % de conscience illusoire. La gustation, le remixage, la résurrection illusoire du passé, de la mémoire. Alors, la première chose, la première fonction des corps physiques est de se promener, de déménager, de manger, de souffrir, d'être malade, de se tuer, de se faire chirurgicalement massacrer, de découvrir de nouveaux remèdes. Il y a dans cette plante une molécule qui, si certains individus la prennent, vont changer 3 neurones. Il n'y a pas un hostile individu qui va la prendre, la plante. Alors l'individu aura mal aux reins. Puis un jour, il la découvrira bien, la plante. Et ça guérira son rein. Tout cela pour que la molécule qui devait de là, monter là, monte. Cette molécule, elle est régie par la mécanicité évolutive des plans planétaires. Elle ne peut donc pas être créée chez l'homme si elle a besoin d'énergie vitale directement pluguée au sol. Elle apparaîtra donc que dans une plante. Si mangée par un animal, la molécule n'est pas métabolisée, déformée par l'animal, l'homme mangera l'animal. Il aura la molécule. Mais ces choses se font très, très, très rapidement du point de vue cosmique et très lentement du point de vue de l'effritement temporel. Et ça prend donc des milliards d'années dans ce continuum. Lorsque la chose qui habite un corps physique, qui n'a que comme fonction exclusive la reproduction de façon à créer l'image matérielle, la forme structurelle, atomique, parfaite, pour recevoir et conserver en même temps, pour recevoir le plan supramental et conserver la mémoire planétaire. Eh bien, quand quelque chose d'intelligent vient habiter ce corps, quand quelque chose qui peut commencer à être conscient vient habiter ce corps, ça prouve une seule chose. Ça prouve qu'il y a dans l'homme 95% de merde, qui sont de merde du point de vue cosmique, qui sont extrêmement importantes du point de vue planétaire, parce que ça va être les conducteurs des véhicules physiques, le temps que le véhicule physique ne peut pas être animé par l'intelligence supramentale. L'intelligence supramentale ne peut pas descendre dans le véhicule physique parce que celui-ci ne peut pas le supporter. Alors, on crée une espèce de monstre intéressant, une débilité complète par rapport à l'intelligence, et on appelle cela l'âme, et puis on fout ça dans le corps physique. Pour qu'une certaine continuité dans l'évolution des corps physiques se persiste, les âmes qui meurent quand le corps s'en va, parce que le corps, il ne peut plus muter, il est rendu trop usé. Alors, il a enfanté des enfants et on va muter les jeunes. Lorsque le corps est trop usé, on élimine cela. Et pour que une espèce de continuité, de stabilité dans l'évolution se fasse, nécessairement, l'expérience mémorielle qui habitait les corps, les âmes, devront se réincarner dans les prochains corps, de façon à ce que l'humain reste l'humain. Et ça crée un phénomène d'auto-évolution. C'est ce qui fait dire à certaines théologies que l'homme a été laissé à lui-même. Ça crée un phénomène d'auto-évolution où ce qui est dans un corps apprend, va dans le monde de la mort, on a d'autres corps, ça revient mélangé, fusionné, et maintenant on n'a plus besoin de s'occuper de qui va régir les corps, on les laisse aller. Plus un corps physique est capable de supporter de la souffrance, de la douleur, du neuf et des changements, plus il est évolué. Nécessairement, aucun avatar n'était utile, sauf lorsque certaines restructurations devaient être faites. Lorsque l'humain était prêt. Et l'humanité laissée elle-même. Mais à travers cette humanité laissée elle-même, il y a la place pour ceux qui doivent tamponner, recevoir les problèmes pour libérer l'élite. L'élite, ce n'est pas les meilleurs. L'élite, c'est ceux qui ont la chance d'eux. Quand un être humain commence à se poser des questions, il fait partie de ce que j'appelle l'élite, comparativement à la masse de ceux qui ne se posent pas de questions. Tout le monde s'en pose. Non, non. Il n'y a pas qu'un qui les répète, puis il y en a qui s'en posent. Ce n'est pas pareil. Et à un moment donné, lorsque quelque chose de conscient commence à habiter ce corps, cela prouve que le gros phénomène animateur du corps physique est en train d'être écrasé et chassé par l'esprit qui commence à descendre. Et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Alors, nécessairement, une lutte s'empare, une guerre apparaît, une peur, une fausse modestie, une souffrance de transition. Et pour que cela se facilite, nous devons nous arranger pour travailler avec toutes les forces intelligentes sur la planète, en commençant par ceux qui nous entourent, de façon à ce que ceux-ci parviennent à nous aimer au point d'attirer vers eux nos propres conneries. C'est pourquoi les avatars ont toujours été adorés. Et on ne doit pas prendre comme exemple le fait qu'il y avait un avatar aux 100 années dans l'histoire. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui étaient plus cachées parce que leur cheminement était différent. On ne peut pas copier ou plagier le cheminement de quelqu'un. Chacun fera son cheminement. On doit développer la conscience planétaire. On doit développer la conscience populaire, celle du peuple. pas devenir raciste. On doit développer la conscience illitique, pas devenir sectaire, pour finalement développer la conscience individuelle. Commencer par un ou par l'autre n'a pas d'importance. Une chose qui est certaine, c'est que si on n'a pas ces quatre conditions réunies, il manque énormément pour que l'homme puisse parvenir au contact fusionnel. Il y a deux formes de contact supramental du bon côté. Il y a le contact chatouilleur et il y a le contact fusionnel. Le contact chatouilleur, c'est lorsque l'humain monte une certaine forme de vibration parce qu'il se fait booster par autrui, parce qu'il est en contact avec une antenne populaire, une antenne collective, ou parce que simplement, il vient de manger un aliment qui l'a monté un peu, qui l'a survolté, et il entre en contact avec un plan supramental et c'est intéressant. Ce n'est pas un contact fusionnel, c'est-à-dire que ce contact ne lui appartient pas. Il y a le contact fusionnel où l'humain peut finalement entrer en contact à sa guise et chasser son ego à sa guise. Et plus le contact fusionnel est avancé, plus cela devient facile. Il y a le contact supramental mémoriel, et il y a le contact supramental pur. Le contact chatouilleur est présent dans le contact mémoriel et dans le contact pur. Et vous savez qu'il y a aussi deux formes, deux manières de se connecter au plan supramental. Il y a le côté faux, le côté mort, où l'être humain égoïquement se plug à la mémoire supramentale et décide de s'y abeuvrer à jamais parce qu'il est trop impatient pour attendre le vrai contact. Et il y a le contact de celui qui a la patience d'attendre. Il y a sur la planète des forces qui obligent l'homme à évoluer. Il y a sur la planète des forces qui obligent l'homme à évoluer. L'homme qui se conscientise, la femme qui se conscientise, doit absolument entrevoir chaque visage, chaque personne extérieure, autrui, comme étant un corps physique supporteur d'une probabilité de contact fusionnel avec l'intelligence, temporairement habité par des entités involutives et évolutives, qui se mixent selon une recette très définie, la génétique, ce qui fait que plus jamais l'être qui se conscientise ne doit juger l'homme. C'est un Christ de cave. C'est un corps physique aussi beau ou aussi laid que le vôtre, dans lequel vient s'exprimer des choses qui ne s'expriment peut-être pas chez vous et qui s'expriment peut-être des fois chez vous. On doit passer à une nouvelle étape dans l'évolution de les humanités, celle où il y aura des hommes et des femmes qui seront capables de voir l'autre homme et l'autre femme tel qu'il est, sans plus jamais le juger. Et cela va rapporter de l'énergie, mais rapporter de la facilité à tous ceux qui vivent. C'est écologique, c'est intelligent. Le voleur est manipulé. Vous ne pouvez donc pas le détester. Un violeur, un tueur est manipulé. Il ne peut donc pas être détesté. C'est une perte de temps et d'énergie. Et surtout, un manque de compréhension des choses. L'être humain personnifie. Il personnifie à cause de l'illusion du libre-arbitre. Si l'on pense que l'autre a le libre-arbitre, on peut le maudire. Si l'on sait que l'autre n'a pas de libre-arbitre, et si l'on sait que l'autre devient une cause événementielle perturbant votre événement, nécessairement, il devient l'outil de l'évolution. Plus vous comprendrez des choses, plus la vie sera facile. on fait une petite pause. Vous avez des questions sur quoi que ce soit? Et on revient.